tous les mots français qui se terminent par « ion », « i-o-n », « sion » ou « sion », qui peuvent être écrits avec un « t », « t-i-o-n » ou « s-i-o-n », sont identiques en anglais. Ils s'écrivent de la même façon comme « opinion », « opinion », « opinion ». Les mots français qui se terminent par « s-i-o-n » ou « t-i-o-n » se prononcent « sion ». Condition, situation, réservation, impression, expression. En anglais, cependant, « sion » se prononce toujours « shn ».« Shn ». ».« Shn ». ».« Attention ». ».« Shn ». Sans accentuer la fin des mots en anglais. « Condition » se dit donc « condition ». Condition. Condition. Condition. La condition. The condition. The condition. Une condition. A condition. A condition. Quelle condition? What condition? What condition? Yes. What condition? Position. Position. Position. Expression. Expression. Expression. Impression. Impression. Impression. Quelle impression? What impression? Avez-vous? Do you have? Right. Alors, comment dit-on? Quelle impression avez-vous? What impression do you have? What impression do you have? What impression do you have? Parlons un peu des mots français qui se terminent par ation. Ation comme réservation, nation, préparation. Alors, en anglais, la lettre A se dit A. Ation se prononce alors en anglais ation. Ation. Ation. En anglais, ation comme nation. Nation. Nation. Nation. Ah. Nation. Nation. Nation. Réservation. Reservation. Reservation. Right. Reservation. Reservation. Une réservation. A reservation. A reservation. Avez-vous une réservation pour moi pour ce soir? Do you have a reservation for me? Pour ce soir? For tonight? Right. Very good. Alors, avez-vous une réservation? Do you have a reservation? Pour moi? For me? Pour ce soir? For tonight? Do you have a reservation for me for tonight? Confirmation. Confirmation. Confirmation. Hier, en anglais, se prononce « un ». Confirmation. La confirmation de la réservation. « De » se dit « of ».« Of » s'écrit « of ». « Of ». Alors, la confirmation de la réservation. The confirmation. The confirmation. The confirmation of reservation. De la réservation. Of the reservation. Of the reservation. Alors dites-moi, avez-vous la confirmation de la réservation pour moi pour ce soir? Do you have a... Avez-vous la confirmation? Do you have the... Confirmation of the reservation? Pour moi? For me. Pour ce soir? For tonight. Yes. Avez-vous la confirmation de la réservation pour moi pour ce soir? Do you have the confirmation of the reservation for me for tonight? Quelle sorte de réservation? Pour quelle sorte on dit « what kind »?« What kind » ?« Kind » s'écrit « k-i-n-d ».« IND. What kind? What kind? Quelle sorte de réservation avez-vous pour moi? What kind of reservation do you have for me? What kind of reservation do you have for me? Qui est-ce qui se souvient comment on dit je veux? I want. Bravo. I want. Je ne veux pas. I don't want. I don't want. Vouloir à l'infinitif. To want. To want. Voulez-vous? Do you want? Do you want? Quelle sorte de réservation voulez-vous? What kind of reservation do you want? Right. What kind of reservation do you want?